y a mon cœur derrière la porte. 4, 5, 6, t'entends pas et toc encore. 1, 2, 3, y a mon cœur devant la porte. 4, 5, 6, t'entends pas écrit encore. Allez, 1, 2, tous ces haineux diront du mal de moi, mais c'est pas vrai. Un peu sauvage, mais pas méchante, t'as qu'à demander. Si tu veux ma main dans tous les cas, faut voir bavard. Ton cœur aussi, il sonne depuis longtemps.